Comment dites-vous « je vais l'acheter » ? Lo comprero. Réessayez encore une fois. Comment dit-on « acheter » le verbe « acheter » ? Comprare. Non, c'est plus simple que ça. Ah, comprare. C'est ça. Comprare. Alors, que donnera « je vais l'acheter » ? Lo comprero. Non. Là, vous êtes en train de changer le... Ah oui, comprero. Lo comprero. Non. Lo comprero. Bien. Maintenant, vous y êtes. Alors, redites-le. Lo comprero. Exactement. Lo comprero, oui. Avec le « et » que l'on retrouve au futur de tous les verbes en « are ». Je vais l'acheter ou je l'achèterai, c'est « lo comprero ». Pour le futur proche, par exemple, « je vais l'acheter demain », on peut dire aussi « lo comprerò domani ». En dehors du futur, quel est le temps qu'on peut employer pour exprimer un futur proche ? Quelque chose qu'on va faire très bientôt. Le présent ? Oui, le présent. Et si vous voulez employer le présent, il faut d'abord que vous sachiez quel est l'infinitif. L'infinitif, je vous le rappelle, c'est la forme qu'on trouve dans les dictionnaires, la forme en « re ». Alors, quel est l'équivalent de « acheter » en italien ? Comprare. Oui, donc. Est-ce que c'est « compro » tout simplement ? Oui, mais vous insistez sur la terminaison. Or, au présent... Compro. Voilà. Lo compro domani. Oui, compro. Lo compro domani. Lo compro domani. Donc, pour dire « je vais l'acheter », on peut utiliser le présent, compro, car le présent s'emploie beaucoup pour exprimer un futur proche. Ou bien, on peut utiliser le futur, comprerò. Mais il y a une troisième solution pour dire « je vais l'acheter ». Si vous voulez dire « je vais » au sens propre de « je me déplace pour l'acheter ». Alors, « je vais l'acheter », comment diriez-vous ça ? Non, « stopper », c'est « je suis sur le point de ».« Je vais » se dit ? Ah, « va ». Va ? Vado. Vado, c'est ça. Et donc, je vais l'acheter ? Vado comprare. Vado ? Ah, vado lo comprare. Non. Après « aller » et « venir », s'il y a un autre verbe, on intercale « a ». Ça donne « vado a ». Vado a comprarlo ? Vado a comprarlo, oui. Vado a comprarlo. Je vais l'acheter. Je me déplace pour l'acheter. Alors, ça c'est aller, c'est se déplacer en fait. Ce n'est pas un... Ça n'exprime pas une intention. Vous avez raison. Ce n'est pas un futur. Ah, je vois. Oui. C'est comme si vous disiez, je vais le voir. Je vais le voir ce soir. Et que ça veuille réellement dire, j'y vais, au sens propre. Je sors de chez moi et je marche pour aller le voir. D'accord. Tiens, justement, comment diriez-vous ça ? Je vais le voir ce soir. Vado. Vado, oui. Vado a... Vado a... Oui. Vado a vederlo stasera. C'est ça. Vado a vederlo stasera. Aller, à l'infinitif, c'est... An... Andare. Andare, oui. Et comment dit-on « je vais » ? Vado. Vado, exact. Et vous allez, il va, elle va, comment dit-on ça ? Vada. Non, c'est plus simple que ça. Va. Va, va, va. Une expression qui s'emploie beaucoup en italien, c'est « ça va bien ». Va. Va. Mais on ne traduit pas le mot « ça » ? Non, vous savez bien qu'on ne traduit pas les mots comme « je »,« tu » ou « ça ». Il va, elle va se disent va. Et c'est pareil pour ça va. Ça va bien. Ah, d'accord. Va bene. Voilà, c'est ça. Va bene. Va bene. Ça va. Ça va bien. Va bene così. Ça va comme ça. Va tutto bene. Tout va bien. Va molto bene. Ça va très bien.